The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To fall for it. Tomber dans le panneau. To pawn. Mettre en gage. To lose one's mind. Perdre la raison. To vanish. Partir. To go for a walk. Faire un tour. Now, a bit faster. To lose one's mind. Perdre la raison. To go for a walk. Faire un tour. To fall for it. Tomber dans le panneau. To vanish. Partir. To pawn. Mettre en gage. Now, use the words in context. Tomber dans le panneau. This trick was really perfect. I fell for it. Cette illusion était vraiment parfaite. Je suis tombé dans le panneau. Tomber dans le panneau. They made me believe that I had been robbed and that someone burned my car. It was on April 1st, but I still fell for it. Ils m'ont fait croire que j'avais été cambriolé et qu'on avait brûlé ma voiture. C'était un 1er avril, mais je suis tombé dans le panneau. Tomber dans le panneau. This girl uses her charm to seduce rich men, make them believe she loves them, and like the others, he fell for it. Cette fille se sert de son charme pour séduire les hommes riches en leur faisant croire qu'elle est amoureuse. Et comme les autres, il est tombé dans le panneau. Mettre en gage. I really need money, but no bank wants to give me a loan, so I'll have to pawn this family ring. J'ai vraiment besoin d'argent, mais aucune banque ne veut m'accorder un prêt. Je vais devoir mettre en gage cette bague de famille. Mettre en gage. To pawn something is a bit like giving a deposit, except that it isn't money you give, and you usually do it as a last resort. Mettre en gage est un peu comme déposer une caution, sauf que ce n'est pas de l'argent que l'on laisse et que généralement, on le fait en dernier recours. Mettre en gage. He pawned his new Jaguar. If he doesn't pay back the money he owes in 2 days, he's going to lose it and will be furious. Il a laissé sa nouvelle Jaguar en gage. S'il ne rembourse pas l'argent qu'il doit dans 2 jours, il va la perdre et sera furieux. Perdre la raison. I fell in love and lost my mind. It's true. I realize that now. Je suis tombé amoureux. Et j'ai perdu la raison, c'est vrai. Je le réalise maintenant. perdre la raison. When he learned that his team lost the match, he lost his mind and threw all the guests out, insulting them. Quand il a appris que son équipe avait perdu le match, il a perdu la raison et a jeté tous les invités dehors en les insultant. Perdre la raison. He was placed in an isolation cell for a month, but he couldn't bear it and lost his mind. Now the CIA can't interrogate him anymore. Il a été placé en cellule d'isolement pendant un mois, mais il n'a pas supporté et a perdu la raison. Maintenant, la CIA ne peut plus l'interroger. Partir. Between the hotel, the restaurants and the parties, when you're on holiday, money vanishes too quickly. L'argent part trop vite quand on est en vacances. Entre l'hôtel, les restos et les sorties. Partir. All the tickets for this concert were sold in 30 minutes. This star is really famous. Toutes les places pour ce concert sont parties en moins de 30 minutes. Cette star est très connue. Partir. All my savings vanished after buying this house. Toutes mes économies sont parties dans l'achat de cette maison. Faire un tour. He needed to relax. He went for a walk. Il avait besoin de se détendre. Il est parti faire un tour. Faire un tour. During my trip to Central America, I intend to go to Mexico and Cuba. If I have time, I will go to Jamaica. Lors de mon voyage en Amérique centrale, je compte aller au Mexique et à Cuba. Mais si j'ai le temps, j'irai faire un tour en Jamaïque. Faire un tour. Come with us. We're going to have fun. Viens faire un tour avec nous. On va bien s'amuser.